Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que ce roi-là eut d'autres aventures, plus belles, je vous le jure. Vous pouvez tous m'en croire, c'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Le bon roi Dagobert aimait mieux l'été que l'hiver. Le grand Saint-Éloi préférait les bois. Le roi Dagobert préférait la mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs sur un bateau de pêcheur. Le roi n'avait pas mal au cœur. Le bon roi Dagobert aimait bien son père et sa mère. Il aimait autant les petits-enfants. Il aimait le bon vin et le civet de lapin. Mais ce qu'il aimait le mieux, c'était les jeunes filles aux yeux bleus. Le bon roi Dagobert chantait des chansons à l'envers. Sur les routes de France, mille et une romances jaillissaient de lui, fraîches comme la pluie. Les oiseaux étonnés le prenaient pour Charles Trenet. Il peignait des tableaux qu'il était seul à trouver beau, fixant sur la toile la lueur des étoiles, de ses paysages, des chevaux sauvages. Parfois, même s'échappait, le roi savait les rattraper. Un jour dans son palais, un valet voulait le voler. Au valet voleur, il dit, ma valeur, étant mon seul bien, je ne risque rien. Et le vieux valet ballot avoua qu'il volait des vélos. Quand la guerre survint, il la repoussa, mais en vain. Tous les chevaliers voulant guerroyer préféraient l'armure aux vertes ramures. On enferma le roi dans une tour au fond d'un bois, et c'est là qu'il mourut, ce roi que j'ai si bien connu. Sur sa tombe, je crois, le grand Saint-Éloi écrivit ceci, qui n'est pas précis. Dada, gogo, bébé a remis son âme à l'univers.